Le pouvoir de la Vierge par Anatole France. Il en était de Jeanne comme de tous les visionnaires. Dans le retrait, dans l'oratoire, en chambre close, les hôtes du paradis la visitaient en foule. Anges et saintes, descendus du ciel, se pressaient autour d'elle. Mais à l'avenue des docteurs, l'échelle de Jacob se retirait soudain. Elle demeurait seule et dépitée. Cela n'avait pas peu contribué à la rendre craintive et défiante avec les gens d'église, et à lui inspirer cette mauvaise humeur empreinte dans plus d'une de ses réponses. Elle n'osait pas trop leur conter les secrets de ses voix, et se vengeait, derrière leur dos, en confiant au beau duc d'Alençon et sans doute à plusieurs autres gendarmes de ses amis, qu'elle savait et qu'elle pouvait beaucoup plus qu'elle n'avait dit à tous ses clercs. Ces miracles, comme ceux de Madame Sainte-Catherine de Fierbois, étaient des miracles de garnison et de corps de garde. Ils étaient pour les soldats et non pour les prêtres. Pas plus que le curé de Don Rémy, pas plus que le curé de Vaucouleurs, les docteurs de Poitiers n'en connurent rien. À ceci, elle ne donna point de signe. Prudemment, ils déclarèrent que rien en cette jeune fille n'induisait à croire qu'elle fût envoyée de Dieu, mais que toutefois le roi la pouvait employer avec prudence. Car connaît-on jamais les voies de la sagesse divine? Ils prescrivirent de nouveaux examens et de nouvelles enquêtes. Il y avait un point dont il convenait de s'assurer avant tout, parce que le reste en dépendait. Il fallait savoir si, comme elle le disait, Jeanne était vierge. À la vérité, des matrones l'avaient déjà examinée lors de sa venue à Chinon, quand on ne savait pas seulement si elle était fille ou garçon. Mais il était nécessaire de procéder à une visite exacte, tant la chose était de conséquence. On croyait communément alors que le diable prenait la virginité des filles qui se donnaient à lui, et que c'était le premier acte par lequel il exerçait sa puissance sur ces malheureuses créatures. Cette façon d'agir était conforme à ce qu'on savait de son tempérament libidineux. Il y goûtait un plaisir accommodé à sa condition souffrante. Il y trouvait de plus un avantage considérable, celui de désarmer sa victime, car la virginité est une cuirasse contre laquelle les traits de l'enfer se brisent comme paille. De la sorte, on était presque assuré de ne point trouver dans un corps intact et pur une âme dévouée au démon. Il y avait donc un moyen, autant dire infaillible, de constater que la paysanne de Vaucouleurs n'était pas adonnée à la magie et à la sorcellerie, qu'elle n'avait point fait de pacte avec le malin. On résolut de recourir à ce moyen sans tarder davantage. Il importait encore que l'examen fût solennel et notoire, car une croyance commune aux doctes et aux ignorants attachait des vertus singulières à l'état de virginité. Ces idées remontaient jusqu'à une antiquité vaste et profonde. L'origine s'en perdait dans un passé qui n'était point chrétien. C'était un legs immémorial dont une part venait des Gaulois, une autre part des Romains et des Grecs. Sur cette terre de la Gaule chrétienne où Merlin et Viviane dormaient encore leur sommeil enchanté, dans l'aubépine fleurie, les blanches prêtresses des forêts avaient laissé quelques souvenirs de leur beauté sacrée. On voyait parfois encore flotter dans l'île de Saint, sur les bords brumeux de l'océan, l'ombre pâle des neuf sœurs qui, au jour passé, endormaient à leur volonté ou éveillaient la tempête. Les images divines s'effacent lentement des âmes simples, et les paysans sont toujours païens de nature. Ces saintes vierges, qui n'avaient pas connu la croix du calvaire, n'étaient pas mortes. Cachées au village, elles étaient devenues des paysannes, et l'on faisait d'elles tous ces récits où on le voit des jeunes filles recevoir des dons merveilleux. Les contes de fées abondent en exemples charmants du pouvoir des vierges. Ce pouvoir était manifeste aussi dans les romans religieux et galants du cycle d'Arthur, où l'on voit qu'il suffit à une pucelle de promener le Saint Graal et la lance de la Passion autour d'une salle pour qu'aussitôt se dresse une table couverte de mets délicats. Et l'on entrevoit par quelle suite d'images plus de 20 fois séculaires, les bonnes gens purent former le rêve d'une vierge privilégiée portant bonheur à tout un peuple. Selon ces croyances écloses dans la jeunesse de l'humanité et toute empreinte d'un naturalisme ingénu, le don de prophétie est réservé aux vierges. C'est le partage d'une Cassandre et d'une Véléda. La voie par laquelle les Sibylles rendaient leurs oracles montre à quel point le privilège était attaché à la condition physique. Or, dans les siècles chrétiens, les Sibylles passaient pour avoir prophétisé la venue de Jésus-Christ. On les tenait dans l'Église pour les gardiennes de la révélation première au milieu des gentils, et on les vénérait comme les sœurs augustes des prophètes d'Israël. La prose des morts atteste l'une d'elles en même temps que le roi David. Quelle fraude pieuse établir leur gloire prophétique, c'est ce que nous devons ignorer ici autant que l'ignorait un Jean Gerson ou un Gérard Machet. Il nous faut voir au contraire, avec les docteurs du XVe siècle, ces vierges annonçant la vérité aux nations qui les vénéraient sans les comprendre. Telle est-elle l'antique tradition de l'Église chrétienne. Les pères les plus anciens, Justin, Origène, Clément d'Alexandrie, faisaient grand usage des oracles sibyllins. Et les païens ne savaient trop que répondre quand Lactance leur opposait le témoignage de ces prophétesses des nations. Saint Jérôme, sur la foi de Varron, croyait fermement à leur existence. Saint Augustin met dans la cité de Dieu la Sibylle Érythrée qui, dit-il, annonça sans mélange d'erreurs la vie du Sauveur. Dès le XIIIe siècle, ces vierges antiques avaient pris place dans les cathédrales aux côtés des patriarches et des prophètes. Mais c'est au XVe que leurs images se montrent en foule, sculptées au portail des églises, taillées dans les stalles du chœur, peintes sur les murs des chapelles ou sur les verrières lumineuses. Chacune a son attribut distinctif. La persique tient cette lanterne et la libyque cette torche qui perserre les ténèbres de la gentilité. La grippe, l'européenne et l'érythrée sont armées du glaive. La phrygienne porte la croix pascale. L'hellespontine présente un rosier fleuri. Les autres montrent les signes visibles du mystère qu'elles ont annoncé. La cumane, une crèche. La delphique, la samienne, la tibertine, la cimérienne, une couronne d'épines, un sceptre de roseaux, des verges, une croix. L'économie même de la religion chrétienne, l'ordre de ces mystères où l'on voit l'humanité perdue par une femme et sauvée par une vierge, devait contribuer à l'exaltation de la virginité avec d'autant plus de force qu'on tenait la chair pour corrompue par le crime d'Ève. Aussi les pères ne cessent-ils de louer ce bienheureux état. La virginité, dit saint Augustin, c'est dans la chair quelque chose qui n'est pas charnel. C'est la virginité, dit saint Grégoire de Nice, qui fait que Dieu ne refuse pas de vivre avec les hommes. C'est elle qui donne aux hommes des ailes pour prendre leur vol vers le ciel. La virginité élève l'apôtre Jean au-dessus même du prince des apôtres. Lors des funérailles de Marie, Pierre remit à Jean la branche de palmier et dit « Il convient à celui qui est vierge de porter la palme de la Vierge. » C'est la Mère de Dieu qui réalise le type accompli de la Vierge. Négligée dans le monde oriental, Marie fut au contraire, dans l'Occident chevaleresque, à partir du XIIe siècle, l'objet d'un culte ardent et tendre. Les grandes cathédrales du nord de la France furent placées sous le vocable de Notre-Dame. Elles célébraient leur fête patronale le jour de l'Assomption. Sur le pilier symbolique du grand portail était placée l'image de la Vierge avec son divin enfant et le lit virginal. Parfois, Ève était figurée au-dessous, afin qu'on vît en même temps la faute et la rédemption. La seconde Ève rachetant la première, la Vierge exaltée et la femme humiliée. Au tympan des portails se déroulent de scènes merveilleuses. La Vierge est agenouillée, près d'elle, un lys fleurit dans sa vase. L'ange, un lys à la main, lui dit « Ave », changeant ainsi le nom d'Ève, « Mutans evae nomen ». Ou bien encore, les pieds posés sur le croissant de la lune, elle s'élève au plus haut des cieux, « Exaltata et super coros angelorum ». Plus loin, elle reçoit de Jésus-Christ la couronne précieuse, Posuit in capite eius coronam de lapide precioso. Les vitraux représentaient en joyaux de lumière les figures de la virginité de Marie. C'était la pierre vue par Daniel, détachée de la montagne sans la main d'aucun homme, la toison de Gédéon, le buisson ardent de Moïse et la verge fleurie d'Aaron. Marie était la fleur de l'arbre de Jessé, et ne voyait-on pas dans la rose éclatante des cathédrales l'épanouissement de cette fleur céleste? Elle avait au fond révéré de l'abside sa chapelle, son autel privilégié. Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, ses statues étaient d'un style sévère et dur. Elle s'offrait à la vénération des fidèles le front ceint d'une nimbe, assise rigidement dans sa chair. Les plus antiques parmi ces images passaient pour miraculeuses. Elles étaient informes et noires. On en conservait de telles à Chartres, à Dijon, à Beaune et à Mézières. Une des plus vénérées était la belle dame de Lyons, qui fut dite plus tard Notre-Dame de Liesse. De l'Ardenne, de la Champagne, de la Lorraine, de l'Île-de-France, les fidèles se rendaient en foule à son sanctuaire, et l'on se rappelait le temps où, pour aller trouver la belle dame noire au fond des basses terres humides, les pèlerins n'étaient guidés que par les marques que des mains pieuses avaient faites aux maigres arbrisseaux des marécages. Au XIVe siècle, les imagiers s'enhardirent à représenter Marie debout avec son enfant, dans l'attitude plus familière et plus humaine des jeunes mères qu'on rencontre dans les villages au seuil des portes. En ce temps-là, les fêtes de l'église étaient les fêtes de tous. Ceux qui n'avaient que celles-là, les pauvres, les chômaient avec joie. Ces fêtes unissaient à la pompe religieuse la gaieté populaire. À ces fêtes, à Noël, au roi, la Vierge était présente. Elle avait ses propres, la nativité, l'annonciation, la visitation, la purification et l'assomption, en mémoire du jour où le Seigneur avait dit à sa mère « Lève-toi, ma colombe, tabernacle de gloire, vase de vie, temple céleste !» À ce cycle s'ajouta tardivement en France la fête de la Conception qui procédait d'une théologie subtile. Là, pour célébrer la conception de Marie, emprunta à l'Apocalypse l'idée d'une femme enveloppée de rayons et la tête sainte d'étoiles. Alors la Vierge était célébrée dans les chants liturgiques avec une inépuisable richesse d'images. Elle était la rose mystique, la tour d'ivoire, l'arche d'alliance, la porte du ciel, l'étoile du matin. Elle était le puits des eaux vives, la fontaine du jardin, le verger clos, la gemme lumineuse, la fleur des vertus, la palme de douceur, le myrte de tempérance, le nard odorant. C'est en son honneur que l'Angélus était sonné trois fois le jour par la cloche de l'église paroissiale. Ceux qui l'aimaient lui demandaient de pleurer avec elle, « Fac me tecum plangere ». Le samedi lui était consacré. Les fidèles trouvaient dans leur livre d'heures des enluminures à la gloire de Notre-Dame. Au plus riche feuillet de vélin, ils la voyaient assise sur le trône de Salomon, au pied duquel veillent quatre lions. Autour de sa tête nimbée voltigent sept colombes qui sont les sept dons du Saint-Esprit, dons de crainte, de piété, de science, de force, de conseil, d'intelligence et de sagesse. Elle a pour compagne les six vertus, l'humilité, la prudence, la retraite, le respect, la virginité, l'obéissance. À ses pieds, deux petites figures nues se tiennent dans une attitude suppliante. Ce sont des âmes que sauvera sa toute-puissante intercession. Ces beaux livres d'heures contiennent l'office de la Sainte Vierge, la messe de la Beata avec l'introit Salve Sancta Parens et la préface composée par le pape Urbain II, l'office des sept plaies de la Vierge composée par le pape Innocent VI, le Salve Regina, les hymnes et les proses en l'honneur de Marie, l'oraison en l'honneur de la Reine du Paradis, les quinze joies de Notre-Dame en vers latin rimé et souvent en petits vers français. Tous les docteurs avaient traité selon les règles de la scolastique des vertus de la Mère de Dieu. Saint Bernard, dans la vallée d'Absinthe, glorifiait en un livre spécial cette claire étoile qui luit sur la mer tourmentée du monde. Les poètes s'emparèrent de la légende de Notre-Dame et la répandirent fort enrichie dans les âmes. Au XIe siècle, Oas mit en vers, d'après un évangile apocryphe, l'enfance et le mariage de la Vierge. Hermann de Valenciennes composa un poème de la vie de Notre-Dame et un poème de sa mort. Au siècle suivant, plusieurs recueils latins des miracles de la Vierge s'étaient formés. Gautier de Coincy, moine à Saint-Médard de Soissons, puis prieur de Vic-sur-Aisne, mit ses recueils en langue vulgaire et rimée, et son œuvre ne compte pas moins de 30 000 vers. Un autre recueil des miracles de Notre-Dame, spécialement relatif à ceux de Notre-Dame de Chartres, fut composé par un prêtre de cette ville vers 1240. On connaît deux autres recueils de ce genre encore inédits, sans compter un grand nombre de récits isolés. Dans leur zèle à glorifier la Sainte Vierge, ces poètes ne se faisaient pas scrupule d'enlever au besoin à quelques saints les miracles qui lui appartenaient et de les attribuer à Notre-Dame. L'un d'eux substitua même, dans certains récits, la Vierge à Vénus. Ces poèmes plurent beaucoup et devinrent populaires. Ils firent entrer les faits de la Dame des Cieux dans le cercle de la vie familière, et plus d'un villageois put voir, à l'exemple des moines de Cîteaux, le nom de Marie écrit en poussière d'or dans les lys de son jardin. La Sainte Vierge aimait la France. C'est elle, disait-on, qui a envoyé les lys au roi de France, parce qu'elle les aime. La France était, après le ciel, son séjour préféré. On avait vu une nappe brodée de sa main, et cette nappe était couverte de fleurs de lys. Comme elle et pour elle, les rois de France portaient le manteau bleu. Il lui était particulièrement dévot. Ils lui faisaient des pèlerinages et lui offraient leurs armes après la victoire. Elle était bonne non seulement pour les princes, mais aussi pour les pauvres gens. Elle faisait volontiers des miracles au village. Elle s'intéressait aux épouses calomniées, aux enfants perdus et aux filles séduites. Sa charité, mêlée à toutes sortes d'affaires domestiques, la rendait extrêmement populaire. L'idée qu'en la virginité résidait la grâce et la puissance prenait, dans la légende dorée, les formes les plus riches et les plus charmantes. La légende dorée n'a pas de paroles assez doucement sonnantes pour exalter les épouses de Jésus-Christ, celles-là surtout qui mirent sur la robe blanche de la virginité les roses rouges du martyre. C'est pendant la passion des vierges que s'accomplissaient les miracles de la grâce la plus abondante. Les anges apportent à Dorothée les roses célestes qu'elle répand sur ses bourreaux. Les vierges martyrs commandent aux animaux. Les lions de l'amphithéâtre lèchent les pieds de Sainte Thècle. Les bêtes fauves du cirque s'assemblent et nouent leur queue entre elles pour préparer un trône à Sainte Euphémie. Des aspics, dans une fosse profonde, forment autour du col de Sainte Christine d'innocents colliers. Le divin époux pour lequel elle souffre ne permet pas du moins qu'elles souffrent dans leur pudeur. Quand le bourreau arrache les vêtements d'Agnès, les cheveux de la sainte s'épaississent et lui font une robe miraculeuse. Avant qu'on promène Sainte Barbe nue par les rues, un ange lui apporte une tunique blanche. Ces Agnès et ces Dorothée, ces Catherine et ces Marguerite, cette légion d'innocentes victorieuses disposaient les âmes à croire au miracle d'une vierge plus forte que les archers. Sainte Geneviève n'avait-elle pas détourné de Paris Attila et ses soldats? Il importait donc à ceux qui essayaient Jeanne de s'assurer, et surtout d'assurer le peuple, qu'elle était en cet état auquel des grâces singulières et parfois une force invincible étaient attachées. Il importait de faire savoir à toutes gens que Jeanne était de celles qui domptent la licorne. La licorne qu'on voyait dans le XIe siècle, sculptée à côté du basilic sur les murs des églises, était, disaient les bestiaires, un cheval chèvre d'une blancheur immaculée. Elle portait au front une merveilleuse épée. Les veneurs la voyaient passer dans les clairières. Ils n'avaient jamais pu l'atteindre tant elle était rapide. On savait toutefois que si une vierge, assise dans la forêt, appelait la licorne, la bête obéissait, inclinait sa tête sur le giron de l'enfant, se laissait prendre, enchaînée par d'aussi faibles mains. Mais la licorne tuait la fille corrompue et non pucelle. Après examen, la belle-mère du roi, Yolande d'Aragon, reine de Sicile, et les dames qui l'avaient assistée, unanimement, sans hésitation, attestèrent la virginité de Jeanne. Anatole France.